Bonjour ami Taureau et bienvenue dans votre tirage du mois de mai 2023. Alors on va regarder, cela concerne vos amours puisque le Béline va vous donner donc un conseil ou juste un petit message concernant vos amours au mois de mai. Alors apparemment vous êtes gâté en mai 2023 puisque vous avez une évolution importante de quoi? De vos sentiments, la passion est dans l'air, l'intensité. Donc c'est très positif maintenant. C'est la coupe, hein. On va voir le tirage. Taureau, mai 2000. Alors, j'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire, ami Taureau. Vous êtes nombreux à le fêter en mai. Donc, normalement... Oui, voilà. Bon, bah écoutez, apparemment, c'est un peu amusant, apparemment, en effet, vous avez du succès et vous allez même peut-être découvrir que certaines personnes sont jalouses, dans votre entourage, sont jalouses de votre succès. Laissez tout cela de côté parce que qu'est-ce qui se passe? Principalement, la passion de la vie, la passion amoureuse est là et vous amène la réussite, l'aboutissement de vos désirs. Alors, il est formidable ce tirage. Donc, finalement, c'est quoi? Eh bien, ami célibataire, apparemment, il y a une très très belle rencontre qui peut se produire et qui va vous permettre de mettre de côté les esprits critiques, chagrins qui vous polluent un peu la tête et vous allez repartir d'un bon pied avec une personne qui est très... qui est beaucoup dans la passion et l'extraversion, je dirais la démonstration amoureuse. Et puis bien, pour les couples, vous allez vous rapprocher vraiment profondément et peut-être même que sensuellement, il y a un nouvel envol lié au printemps. Donc profitez-en, en tout cas bon mois de mai.